FrenchPod.com. Tu viens à la plage avec nous ? C'est loin ou pas ? Non, écoute. C'est juste à côté. Ok, je prends ma planche et j'arrive. Ouais.